universitaire apostolique CUA d'Abomey Calavi, créé le 19 mars 2006. Sa vision, voir le règne de Dieu augmenter dans le cœur des étudiants. Il est situé à Zobadje, cité La Victoire. Thème de l'année 2024 au CUA, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Le département du multimédia et de la communication DMC du CUA vous invite à suivre attentivement la prédication du dimanche 9 juin 2024 avec l'assistance du Saint-Esprit. Orateur du jour, pasteur Georges Latté. Praise the Lord. Je voudrais vous inviter à prêter attention à la parole de Dieu de ce matin. Nous allons prier pour recevoir le message que Dieu partage avec la communauté ce dimanche. Baissons la tête et prions où que vous soyez. Seigneur notre Père, notre Dieu, ton Église est rassemblée devant toi. Ton Église a soif de toi, soupire après toi, après les paroles qui viennent de ton trône élevé. Ce matin, Seigneur, nous invitons ton esprit à nous parler, à parler à nos cœurs, à parler à nos âmes, pour qu'au fond de nous, nous puissions t'entendre, nous interpeller et nous encourager. Que ta parole nous parvienne ce matin avec puissance et autorité, et que nous nous soumettions à cette parole pour le bien de nous-mêmes et pour la gloire de ton nom. Merci de prendre le devant de ce temps et de donner gloire à ton nom. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons lire un long texte parce que c'est une histoire et c'est à partir de cette histoire que nous allons tirer les leçons du message d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à suivre dans votre propre Bible toute la lecture et à essayer de comprendre la scène. C'est comme une scène. Et on aurait dû demander aux affaires théâtrales de nous proposer un petit tableau de cette scène pour nous permettre de bien comprendre le contexte de ce message. 1 Samuel chapitre 25, nous allons lire 35 versets. 1 à 35. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura. Et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. » Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous et nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, il répétait à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis il se tut. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussaient chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Et il resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendirent en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. » Et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi ta servante, je n'ai pas vu les gens que tu as envoyés à mon Seigneur. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne! Je te prie la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de moi, ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigaël ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, je t'ai écouté, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Voilà une histoire qui n'est pas terminée parce que ça continue, l'histoire d'Abigaël et David, mais ce que nous voulons traiter ce matin s'arrête là, au verset 35. Au début du récit que nous venons de présenter, la parole de Dieu nous présente le personnage clé de cette histoire. Tout au début, nous avons vu certains noms, David, Nabal, Abigaël, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui est clé dans cette histoire. Celle qui a joué un rôle prépondérant et qui a réussi à sauver sa famille. Son nom, c'est Abigaël. Et les outils que Abigaël a utilisés pour sauver sa famille sont, entre autres, sa sagesse et son discernement. On peut aussi dire son intelligence et sa sagesse. Ou encore, son bon sens, selon le verset 3. Le nom de cet homme était Nabal. Sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens. Praise the Lord. C'était une femme de bon sens. Le mari, c'est Nabal. Sa femme s'appelle Abigaël. Description de Abigaël, c'était une femme de bon sens. Ça, c'est Louis II. La version Semeur dit, c'est une femme intelligente. C'est pour cela que je disais que les ingrédients qu'elle a utilisés, les vertus qu'elle a utilisées pour sauver sa famille, peuvent être résumés en sagesse, intelligence, ou encore plus un bon sens, à cause du français qui peut être avoir des synonymes. Mais contrairement à cette femme de bon sens, à cette femme intelligente, à cette femme sage, le mari qui est le chef du foyer est décrit par la parole de Dieu comme étant dur et méchant. Et la femme elle-même décrit son mari à David comme étant un homme qui a la folie chez lui. Il y a la folie chez lui. Ses actes sont contraires à la sagesse, sont contraires à l'intelligence, sont contraires au bon sens. Voilà le coup. C'est pour cela que nous allons titrer le message de ce matin, Abigaël sauve sa famille par la sagesse et le discernement. Abigaël sauve sa famille par la sagesse et le discernement. Nous sommes toujours dans le thème central de cette année. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il y a différentes manières, différents sujets, différents domaines dans lesquels nous devons sauver nos familles. Et depuis le dimanche passé, nous allons présenter différents personnages, différentes situations dans lesquelles les gens ont joué des rôles sérieux, ont pris le devant de l'histoire, ont pris le devant de la situation pour sauver leur famille. Et pour nous encourager, toi et moi, à aussi réfléchir dans ce sens, utiliser ces mêmes outils pour aussi sauver nos familles de la main de l'ennemi. Nous avons déjà vu l'obéissance le dimanche dernier, mais aujourd'hui, nous voyons la sagesse, le discernement, l'intelligence, le bon sens. Si elle n'avait pas fait preuve de sagesse et de prudence, si elle n'avait pas fait preuve de sagesse et de prudence, sa famille, toute sa maison serait détruite avant la lumière du matin. Imaginez une scène où une maison est attaquée par David, un chef de guerre, avec 400 hommes avec lui, chacun avec son épée. Qu'est-ce qu'une maison va faire? Quoi qu'en soit le nombre de gens qui vivent dans la maison, c'est fini. La parole, c'est pourquoi j'ai lu toute l'histoire pour que vous voyez la scène. La parole de Dieu montre que David était vraiment fâché. Et lui qui est un homme selon le cœur de Dieu, lui qui est bon, lui que Dieu a oué, lui que Dieu a choisi, il dit si je ne finis pas avec toute la maison de Nabal cette nuit avant la lumière du soleil, que Dieu même me punisse. C'est très important, c'est là. Et ça se trouve dans le texte que j'ai lu. La maison de Nabal les serviteurs de Nabal, les servantes de Nabal, les bétails, la richesse de Nabal seront détruits en un clin d'œil par la colère de David. 1 Samuel chapitre 25, verset 21 et verset 22. Les deux versets là montrent à quel point la colère de David était sérieuse. Ce n'était pas du théâtre. Il est résolu à détruire la maison de Nabal. Et vous pouvez me demander, mais pourquoi c'est si dur chez David? David n'est pas quelqu'un de méchant. Il a même vu Saül, il ne l'a pas tué. Il a vu ses ennemis, il les a pardonnés. Mais pourquoi cette fois-ci, il est décidé à finir avec Nabal? C'est le début de l'histoire. Et on l'a lu, mais je ne sais pas si vous avez saisi ce qui s'est passé. Quelques mois avant le début de ma lecture, Nabal, qui est un homme riche, qui a des bergers qui paient ses brebis, beaucoup, combien? 3000 brebis, 1000 ceci, 2000 ceci, c'est incontable. C'est ça sa richesse. Mais les animaux doivent manger, non? Voilà. Donc ils ont l'habitude de quitter la maison de Nabal et d'aller loin, loin, loin, loin pour aller chercher de nourriture aux animaux. Et quand cette phase finit, ils appellent les tondeurs qui viennent tondre les brebis pour récupérer la peau avec la laine pour faire tout ce qu'on fait avec la laine en ce temps-là. Même les tapis, les habits, les tissus, les rubans, les ceci. Donc c'est sa richesse. Il a une industrie de ça. David, lui, il est en guerre contre Saül. Saül cherche à tuer David. Et nous en avons déjà parlé ici, dans la prière. Depuis le jour où les femmes ont chanté, David a tué 10 000, Saül a tué 1000, Saül cherche à tuer David. David est en fuite devant son ennemi qui est le roi d'Israël. Nabal a appris ça, que David a fui la maison de son maître qui est Saül, et il est en train de se promener en disant des choses. Mais il a oublié de considérer que c'est Saül qui cherche à tuer David. Abigail aussi a appris, mais on va voir comment elle va utiliser ça. Praise the Lord. Pendant que David a fui avec 600 hommes armés, ils étaient dans la brousse, voilà les serviteurs de Nabal qui viennent avec 3000 chèvres. Praise the Lord. Vous êtes en fuite, vous n'avez pas de marmite, vous n'avez pas de nourriture, vous n'avez pas de pain. Et vous voyez gratuitement 3000 chèvres qui viennent. Ils n'ont pas de fusil, ils n'ont pas d'épée. Quand les serviteurs de David disent, ah, regarde, Dieu nous a bénis avec la nourriture, David dit non. Vous appartenez à qui? Ah, nous appartenons à Nabal. Tout ceci, c'est pour Nabal. Nous cherchons un endroit où rester pour pouvoir faire manger les brebis. Il dit, écoutez, que personne ne touche à ses chèvres, que personne ne touche à ses serviteurs, restez avec nous, nous resterons en paix. Et qu'aucun de leurs objets ne se perde. Il a donné des ordres à ces 600 hommes. Et mieux, ils ont constitué une clôture autour des brebis, des moutons, des bœufs de Nabal pour assurer leur sécurité pendant des mois. Et maintenant, quand la saison des pluies a fini et que le désert a repris, ils sont repartis à la maison pour maintenant tondre les brebis et prendre la peau, la laine et s'enrichir. David était toujours dans la brousse en train de chercher où dormir aujourd'hui, quoi manger demain, comment se déplacer. Et il s'approche maintenant de la maison de Nabal et il apprend qu'il y a les tondeurs dans la maison de Nabal en train de faire. Et on sait que quand quelqu'un est en train de tondre ses brebis, c'est une fête. Il y a la nourriture, tout le monde est là et puis c'est la fête. Il lui envoie ses serviteurs pour dire, Nabal, quand tes serviteurs étaient dans la brousse avec nous, je les ai protégés, je les ai sécurisés. Rien ne leur est arrivé, aucun de leurs objets n'est perdu. Maintenant, je te prie, envoie-moi un peu de pain, de l'eau et de l'huile pour que moi et mes serviteurs, nous puissions manger. Lorsqu'on a chargé cette commission à cet homme dur et méchant, voici sa réponse. Verset 10. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui fuient la maison de leur maître. Je ne prendrai pas mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et les donnerai à des gens de qui je ne sais d'où. Quand on a rapporté ça à David, il s'est fâché. Il dit, mais si moi j'ai fait tout ça pour lui, et on lui a rendu compte, voilà ce que j'ai fait pour lui, et lui me parle comme ça, alors je vais finir avec lui aujourd'hui. C'est comme ça que Abigail va rentrer en scène. Quand on dit qu'on veut finir avec la maison de Nabal, est-ce que Abigail va rester vivant? Praise the Lord. quand on dit qu'on veut finir avec la maison de Nabal, est-ce que la femme de Nabal va s'en sortir? Elle-même était en danger. Est-ce que les enfants de Nabal vont survivre? Parce que David était clair. Quelqu'un de Nabal ne va vivre. Il a précisé et les serviteurs et les servantes. C'est très important. Et vous allez voir que David est parti en paix. Il a même dit saluez-le. Et dites que sa maison va subsister. Que la paix sera toujours sur sa maison. Et demandez-lui un peu du pain pour moi. Au finish, je me demande si ce n'est pas la parole de David lui-même qui a protégé finalement encore la maison de Nabal. Dans la formule qu'il a envoyée à Nabal, il a prié pour la maison de Nabal que rien ne va lui arriver. Étant un loin de Dieu, ce qu'il avait dit premièrement est toujours en train de travailler. Donc malgré que sa colère est venue, Dieu va arranger, il va trouver une femme qui va prendre le devant, qui va sauver la situation. Mais sa colère était sérieuse. Sa colère était vraie. Il n'y avait pas de possibilité que ses amis, lui dit, mais laisse tomber, on va trouver nourriture ailleurs. Non. Il a dit, 400 hommes, prenez vos épées, on y va. 200 hommes, vous restez avec nos bagages. Il a encore de réservistes. 200 hommes réservistes. Si même ça chauffe la balle, les 200 vont venir. Donc, Nabal ne peut pas s'en sortir. Praise the Lord. Une famille entière qui est vouée en danger de mort. Une famille entière qui ne verra pas la lumière du soleil. Mais cette information difficile va parvenir à l'oreille de la maman de la maison, de la mère de la maison. Au verset 17. 1 Samuel chapitre 25, verset 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est décidée par David. Et voilà que notre maître est si méchant qu'on ose lui parler. Le serviteur qui a informé Abigaël lui a dit clairement ceci. Vois ce que tu vas faire. Voilà, nous sommes tous en danger. Toi qui es notre maman. Voilà que notre papa, on ne peut même pas lui parler. Il n'écoute personne. Il fait ce qu'il veut. Mais toi, vois ce que tu vas faire. Notre maître est si méchant qu'on ne peut lui parler. Vois ce que tu peux faire. Sinon, on est tous morts. Le serviteur a compris que le salut de cette famille ne peut venir du père de famille, mais c'est possible que ça vienne de la mère de famille qui a toujours fait preuve de sagesse et de discernement. Le père de famille insensé, Dieu est méchant, ne peut protéger sa famille dans cette situation. Mais la mère de la famille, sage, réservée, réfléchie, intelligente, peut trouver une solution. C'est pour ça qu'il n'est pas allé chez Nabal, mais il est allé où? Chez Abigaël. Est-ce qu'on peut compter sur toi comme ça dans une situation? Dans une situation difficile, est-ce que quelqu'un peut dire, si on va voir ce frère, il va réfléchir avec nous? Souvent, il a de bonnes idées. Parce qu'on dit qu'elle a de bon sens. Voici une femme de bon sens et belle de figure. Belle de figure, là, ça a servi à quoi ici? C'est de bon sens qui a joué un rôle ici. Praise the Lord. Si tu es belle de figure, tu n'as pas de bon sens. Tu ne peux pas sauver la situation si. La situation si ne résiste pas devant la beauté de quelqu'un. C'est le bon sens d'Abigaël qui va jouer un rôle important. Si vous avez bien suivi l'histoire, les outils que Abigaël va utiliser pour arriver à apaiser la colère de David sont résumés dans le titre que j'ai donné, sagesse et discernement. Abigaël a sauvé sa famille en utilisant la sagesse, en utilisant l'intelligence, en utilisant, comme Louis II l'a dit, son bon sens. Voilà des choses que l'Église doit rechercher. Voilà des choses que les enfants de Dieu doivent rechercher. Quand je vois quelqu'un dire « je jeûne 7 jours, je jeûne 10 jours », il faut que ce soit pour ces choses qu'on jeûne. Et non pour le matériel, et non pour l'élévation, et non pour ceci. Jeûner, supplier Dieu, équipe-moi de ta sagesse d'en haut. J'ai besoin de discernement. Sans le discernement, vous êtes là, vous ne savez même pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Parce qu'il y a plusieurs chemins devant vous. Il y a plusieurs propositions. Il y a des dangers, il y a des vautours, il y a des renards, il y a des lions. Mais l'enfant de Dieu doit marcher dans tout ça. Il dit, soyez avisés comme les enfants de lumière. Parce que autour de vous, il y a le danger dans tous les sens. L'enfant de Dieu aujourd'hui n'est plus un enfant de Dieu phagocyté, qui est là, qui vient juste écouter un message dimanche, qui n'a pas l'Esprit Saint, qui n'a pas les fruits de l'Esprit, qui n'a pas le don du Saint-Esprit, qui n'a rien. Quand vous êtes comme ça, vous êtes vide, vous êtes une proie, rien. Petite chose va vous faire tomber. quelque chose va finir avec vous. Mais si vous recherchez la force d'en haut, qui est dans le Saint-Esprit, qui est la sagesse, qui est l'intelligence, qui est le discernement, la connaissance, tout ça c'est des fruits de l'Esprit, c'est les dons de l'Esprit. Abigail est reconnue par les saintes écritures comme une femme de sagesse. Une femme qui a su déjouer la colère de David en étant face à face avec David. Dans le déroulement de la scène, elle va utiliser plusieurs choses que j'aimerais vous présenter rapidement. J'appelle ça les ingrédients de la sagesse d'en haut. Selon l'histoire d'Abigail, il y a d'autres ingrédients dans d'autres histoires, mais dans l'histoire d'Abigail, il y a certains ingrédients que vous devez voir. Premier point, la clairvoyance ou la lucidité d'Abigail. La clairvoyance ou la lucidité d'Abigail. C'est-à-dire la capacité de voir clair dans une situation et de se lever rapidement. Abigail a analysé rapidement ce qu'on a dit. Donc, ce monsieur dont on parle là, David, mais c'est lui qui a tué Goliath. Mais attention, qu'est-ce que mon mari a fait comme ça? On devait avoir celui-là dans notre camp, n'est-ce pas? Praise the Lord. Mais si David est dans le quartier, si David est dans le village, mais Nabal devait l'accueillir officiellement, parce que c'est lui qui a tué Goliath. S'il n'avait pas tué Goliath, est-ce que Nabal serait même là encore? Israël même est déjà par terre. Mais voilà un fou qui ne sait pas qui est son sauveur, qui est son ennemi. Et il traite David comme un fuyard, comme un bandit qui a quitté la maison de son maître en train de fuir, en train de demander le pain. Moi, je vais remettre mon pain à qui? Qui est David? C'est pas possible. Oh, c'est ce David qui a renversé l'ennemi numéro un du peuple d'Israël. On devrait l'honorer. On devait le servir, dire, bienvenue chez moi, David. Assois-toi. Où sont tes serviteurs? Installez-vous. Mangeons. Mais je suis honoré d'accueillir David. Mais il a pensé que Dieu était avec Saül. Or, Dieu a déjà quitté Saül. Dieu est avec David. Praise the Lord. Mais le discernement d'Abigail lui a permis de dire, non, ce David n'est pas un fuyard. Mon mari n'a rien compris. Ce David est le prochain roi d'Israël. Elle a discerné que David était loin de Dieu. Donc pendant que ce mari a considéré David comme un fugitif, elle a considéré David comme le prochain roi d'Israël. C'est très important. Et elle a compris que c'est David qui est la victime de Saül. Que c'est Saül qui est en train de chasser David. David n'a pas fui de sa volonté. Il a fui la mort. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est fatigué de travail pour son maître et qui fuit la maison. On voulait le tuer. Il a lancé une première lance, il a fui. Il a lancé une deuxième, il a fui. Il a couru. Abigail va utiliser son intelligence. Elle a une compréhension juste et claire de la parole de Dieu, de l'histoire. Elle a une compréhension claire de l'histoire. Elle a compris que cette affaire n'est pas la faute de David, pendant que son mari accusait David. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va endosser la faute de Nabal pour se positionner comme un médiateur entre David et Nabal. Elle vient, se prosterne. Elle dit, c'est ma faute. C'est ma faute. Pardonne ta servante. Je ne savais même pas que tes serviteurs sont venus voir mon mari. Prends tout ceci. Elle a mis beaucoup de choses comme cadeau pour David. Elle a même donné des choses que David n'a pas demandé. C'est ça l'habileté. Donc, premier point qu'elle a utilisé, c'est sa clairvoyance. Pour analyser la situation. Dans cette situation-là, tu dois savoir qui est de ton côté et qui est ton ennemi. Parfois, les gens combattent leur sauveur. Ils combattent la seule personne que Dieu a envoyée pour les aider. Ils parlent mal de lui, le critiquent. Parce qu'ils n'ont pas su lire avec clairvoyance la situation. Ils suivent les on-dit. Ils suivent la masse. Praise the Lord. Non. Il faut analyser la situation pour comprendre avec intelligence et clairvoyance. Elle a fait preuve d'intelligence. Elle a fait preuve de sens pratique et de sensibilité. Elle n'a pas hésité à prendre parti pour David contre son mari. Quand vous voyez comment elle a parlé à David, c'est qu'elle disait à David, toi tu es un homme sérieux. Tu es un homme bon. Mais mon mari là, il a folie chez lui. Vous allez me dire, mais c'est une femme qui a manqué de respect à son mari. D'accord. Entre respecter son mari et mourir à deux, avec tous les enfants et tout le quartier, que utiliser cette stratégie pour calmer celui qui est passé et après gérer avec mon mari, qu'est-ce qui est mieux, les amis? Si on est vivant, on va s'entendre. Mais si on meurt, on ne saura même pas de quelle mort on est mort. Elle a fait calcul rapide, dit, bon, je préfère être l'ami de ce monsieur aujourd'hui et trouver une solution pour ma maison et puis après on gère la suite. Je dirai à mon mari que c'est pour qu'on ne meure pas tous que je suis allé faire ça derrière toi. Au moins si le mari la tue elle seule, les enfants vont rester vivants, ou bien. Elle a fait un calcul rapide. Parfois, les gens ne savent pas de quel côté aller dans la situation. Et quelqu'un prie aujourd'hui pour le Seigneur. Est-ce que tu veux me donner une partie de la sagesse de cette femme? Une portion de la sagesse de cette femme. Que quelqu'un dise, je vais prendre du temps dans le jeûne pour que Dieu me donne un peu de ce qu'il a donné à cette femme. Si nous sommes préoccupés par ces outils qui ont aidé cette femme, nous aussi nous allons aider les gens qui sont autour de nous. Nous allons devenir leur solution, leur sauveur. Mais si nous ne comprenons pas ce qui est important, nous ne saurons même pas les choix qu'il faut faire. Cette qualité lui a permis de suppléer à la faiblesse de son mari. Chacun a ses faiblesses. Elle connaît la faiblesse de son mari. Et elle va suppléer à la faiblesse de son mari. Elle va suppléer à la faiblesse de son mari. C'est très important. Praise the Lord. Praise the Lord. Cette femme, peut-être elle était parmi celles qui ont chanté la fameuse chanson qui a créé tous les problèmes à David. C'est possible. Elle savait que Dieu avait fait son choix. Elle avait foi qu'un jour, David va devenir le roi d'Israël. Elle considère déjà David comme le Seigneur des Seigneurs d'Israël. C'est pour ça que quand elle est allée devant David, elle a fait tout comme ce qu'on fait à un roi. C'est la clairvoyance. C'est l'intelligence, c'est la capacité de discerner entre les choses pour dire, ah, attention, ce monsieur, ah, c'est mieux qu'on soit son ami. C'est quelque chose que je voudrais que tu demandes à Dieu. Elle a fait preuve de foi parce qu'elle a entendu les choses. Elle a cru que la promesse de Dieu est sur Israël et que cet homme est celui que Samuel a oint avant de mourir. Et c'est pourquoi au verset 30, elle va dire quelque chose. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura pas de remords. Elle dit à David, mais Dieu t'a promis que tu seras roi d'Israël. Mais si un jour tu deviens roi d'Israël et tu seras en train de dire, mais j'ai tué Nabal et toute sa maison à cause de ma colère, pourquoi j'ai fait ça maintenant? Tu seras en train de regretter d'avoir du sang sur ta main. Et vous savez, Abigail aura raison plus tard. Parce que quand David va dire, je veux construire le temple de Dieu, Dieu va lui dire non. Tu ne vas pas construire mon temple parce que tu as fait beaucoup de guerres. Tu as beaucoup de sang. Tu as tué beaucoup de gens. Ton fils Salomon va le faire. Praise the Lord. Mais au moins pour la famille de Nabal, Abigail a permis à David de ne pas le faire. Et il n'est pas meurtrier ce jour-là. Praise the Lord. Est-ce que tu es vivant en éveil? Deuxième chose qu'elle a utilisée ce jour-là, c'est le courage et son dynamisme. Rapidement, elle a donné de prenez 2 litres d'huile, de vin, prenez de farine, prenez de pain, prenez tout est dans la maison. Et ils sont riches, dynamiques. Elle n'est pas dit, bon, comment elle va faire maintenant? Non, la personne qu'elle va aller rencontrer est déjà en colère contre elle. La personne a 600 militaires autour de lui. La personne a tué Goliath. Elle aurait pu avoir peur, hein? Elle aurait pu dire, bon, où sont mes enfants? Serviteur, va chercher mes enfants. Il prend ses enfants, il ne fuit pas derrière et ils vont dans la brousse. Il laisse Nabal et ils vont mourir. Mais elle dit non, je vais aller le rencontrer. Je vais tout faire pour le calmer et réussir à déjouer sa colère. Elle devrait vite se lever et agir rapidement parce que David venait déjà. Si vous avez suivi la lecture, ils se sont rencontrés. David venait déjà. Parce qu'il dit, je vais finir avec Nabal avant que le soleil ne se lève. Elle a couru. Il a fallu du courage à une femme d'aller se rencontrer un chef de guerre qui a tué Goliath pour lui dire quoi. Mais parfois, vous avez le courage lorsque vous n'avez pas autre solution derrière. Si elle refuse de faire preuve de ce courage-là, elle reste dans la maison, elle va vivre. Vaut mieux aller mourir en essayant de vivre que de mourir en mourant. Elle a fait un choix pour dire, bon, je vais aller tenter. Si j'ai réussi, je sauve ma famille. Mais si je ne réussis pas, de toute façon, je vais mourir là-bas, ma famille aussi va mourir après, et bon, c'est la même chose. Mais je vais essayer, c'est ça le courage. Elle s'est levée. Qui ici a besoin de courage pour aller rencontrer un chef, aller rencontrer un responsable, aller rencontrer un ministre, aller rencontrer un DG pour dire, voici telle situation, voici telle décision qu'il faut prendre en notre faveur, voici tel dossier. Qui manque de courage? Le Seigneur est là. Le Seigneur veut que quelqu'un se lève pour poser un problème. Même dans nos familles, parfois, c'est une réunion qu'il faut faire. Mais qui va convoquer la réunion? Qui va dire aux oncles qu'on doit s'asseoir? Qui va dire aux tantes, venez tel jour, je veux qu'on parle de telle situation de notre frère, de telle situation de telle maman? Qui va se lever? Il faut du courage. Parce que ces oncles et ces tantes, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont des gens qui tuent les gens selon ce qu'on raconte. Ils sont méchants. Ils sont ceci. Mais est-ce que toi, tu as le Christ? Est-ce que tu peux aller les voir et parler avec eux? Parce que tu sais que tu as le Christ en toi. Le courage, le dynamisme, prendre son téléphone, gérer les relations pour dire bon, oncle, frère, grand soeur, est-ce qu'on peut se voir, une réunion, un ceci. Dynamisme. Elle a sauvé sa famille grâce à son dynamisme et à son courage. L'humilité. Troisième chose qu'elle a utilisée. Quand elle est venue devant David, elle n'a pas dit vraiment la situation là, vraiment il faut qu'on discute. Parce que elle dit non, pardonne ma faute. D'abord, la Bible dit qu'elle descendit de l'âne, elle se prosterne par terre, face contre terre. Elle dit, mon Seigneur, je t'en supplie, je suis en faute. Ta servante est en terre, mais vraiment, je t'en supplie. Elle est une personne humble. Mais ce n'est pas là seulement qu'il faut voir l'humilité de Abigail. Voyez ça dans le contact qu'il a eu avec le serviteur. Si Abigail était une femme dans la maison, comme ça, que personne ne peut lui parler, comme son mari, le serviteur qui a eu l'information que David venait là, il va faire quoi? Voilà son mari, on ne lui parle pas. Supposons qu'elle-même, comme ils sont riches, ils sont tout puissants, elle est comme ça. Eh, Gossip, ah, toi tu es qui? Ah, elle crie sur tout le monde, elle insulte tout le monde, elle nague tout le monde. Même le serviteur qui a eu l'information, il va dire, mais à qui je vais parler maintenant? Et si j'étais le serviteur, je vais réunir les autres serviteurs, dire bon, allons au champ. On va commencer la récolte d'haricots là, même si ce n'est pas encore le temps de récolte. Ils sont en train de faire récolte là-bas. Mais la femme là est tellement humble dans sa propre maison, là où elle est chef, là où elle est maîtresse de maison. Elle est tellement humble que toute personne peut dire, coco, maman, je vais vous dire ceci. Elle va dire, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez la personne. Aujourd'hui, tu n'as même pas grand-chose et tu es déjà tellement arrogant qu'on ne peut même pas s'approcher de toi. Le jour où quelqu'un sera au courant de ta mort, il va faire quoi pour t'informer? Il y a des frères, on a peur de leur parler. Je dis, mais c'est pas normal, dis-lui. Rencontre-le, dis non, dis-le vraiment lui. La dernière fois, il lui a parlé là, vraiment. Il dit, mais non, c'est un frère. Il dit, non, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. De toute façon, il prend les gens là. Je dis, mais attends, mais on prend les gens comment? Soyez humbles. Là, vous aurez beaucoup d'amis. Vous aurez beaucoup de relations. Même si vous avez droit, vous avez raison sur une situation et l'autre a tort, ne brisez pas la personne. Expliquez ce qui se passe. Prenez votre position. Soyez dans votre droit et c'est fini. Mais n'essayez pas de faire comme si vous êtes le seul qui est A à Z. Non. Chers frères et sœurs, cette femme avait un outil qui l'a aidé, l'humilité. L'humilité. Et ça va se démontrer aussi dans la suite, quand David va lui demander de devenir sa femme. Dans les parties qu'on n'a pas lues. Quand son mari va mourir, elle sera veuve. David va dire, mais si ce fou est mort, tel que cette femme m'a parlé le jour là, c'est une femme intelligente, c'est une femme sage, c'est une femme de bon sens. Je préfère qu'elle soit la reine à côté de moi. Il va envoyer ses serviteurs, dit Abigail, dites Abigail que moi, David, je l'invite à devenir ma femme. Quand on lui a dit ça, elle dit, mais qui je suis? Qui suis-je pour devenir la femme de David? Je préfère être parmi de ses servantes à la maison. Dites à David que je viens, que je serai une de ses servantes, que c'est déjà suffisant pour moi d'être sa servante. Alléluia. Mais cette femme était une maîtresse d'une grande maison avec des serviteurs et des servantes. Mais elle est prête à être servante de David. Être femme là, c'est trop même. Servante même, si tu me donnes servante David, c'est déjà bon. Le verset 41 dit, voici ta servante sera une esclave. On dit, deviens mon épouse. Elle dit, non, je serai esclave. Mais quel esclave? L'esclave qui va laver le pied de tes serviteurs. Je dis, elle n'est même pas digne d'aller laver le pied de David. Elle va laver le pied des serviteurs de David. Voilà les outils qu'elle a utilisés pour sauver sa famille. La parole de Dieu atteste que l'humilité précède la gloire. Quand David a appris tout ça, il dit non, tu seras la reine. Parce que ton cœur te positionne à ce niveau. Praise the Lord. Chers frères et sœurs, ce matin, nous avons vu une femme qui a délivré sa maison avec la sagesse. La sagesse qui est un concept pour qualifier le comportement d'un individu souvent conforme à une éthique, à une morale. Quelqu'un qui allie la conscience de soi avec les autres, qui a la tempérance, qui a la prudence, qui a la sincérité, qui a le discernement et qui a la justice. Sagesse, là, ça englobe tout ça. C'est le dictionnaire Wikipédia qui dit ça comme ça. C'est pas la Bible. Sagesse seule, là, ça englobe conscience, tempérance, prudence, sincérité, discernement, justice. Et à commencer par éthique morale. Tout chrétien doit demander ça à Dieu. Il n'y a pas chrétien qui aura don de sagesse et un chrétien qui n'aura pas don de sagesse. La sagesse est nécessaire pour nous tous. C'est ça qu'elle a utilisé. Et les ingrédients qui sont dedans, j'ai essayé d'expliquer l'humilité, le courage, le dynamisme, la clairvoyance, le discernement. Elle a utilisé tout ça pour pouvoir sauver sa maison. Et on englobe tout ça dans le vocal sagesse. Que le Seigneur bénisse notre écoute et qu'il nous donne cette sagesse. Plus que même pour Abigail, pour que nous puissions avancer dans notre vie. Amen. C'est la fin de cette prédication. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Que Dieu bénisse votre écoute et vous donne la force d'appliquer sa parole. Centre Université Apostolique CUA. Pour tout renseignement sur le centre, veuillez composer le +229 95 30 54 28.